Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gent marécageuse, gent fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant, il en vint une fourmilière. Et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre, et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et grenouille de se plaindre. Et Jupin de leur dire, et quoi? Votre désir à ses lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû, premièrement, garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire.